الحمد لله الكبير المتعال، الواحد القهار، العزيز الغفار، ذو العز والجلال، ذو القوة والكمال، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، على من بعثه الله بين يدي الساعة بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين. ثم أما بعد، يطل على أمة الإسلام في الأيام القادمة موسم الخير والبركات والفتوحات، وهو شهر رمضان المبارك الذي أنعم الله تعالى به على الأمة وشرفها به. فكما أن الله تعالى فرض علينا القتال، كذلك فرض علينا الصيام. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. On vous a prescrit le combat alors qu'il est détestable pour vous. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Tout comme Allah Ta'ala nous a prescrit le combat, il nous a aussi prescrit le jeûne. Et parmi les mérites, la noblesse, les faveurs du mois du Ramadan, c'est que c'est un mois durant lequel le Coran a été révélé. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Parmi les vertus du mois du Ramadan, il y a la nuit du destin. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui pratique la prière nocturne pendant ليلة القدر avec foi, إيمانا واحتسابا, et n'attendant que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Et le hadith a été rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومنها أن الشياطين فيه تصفد وأبواب النيران تغلق وأبواب الجنة تفتح. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: lorsque le mois du Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent et celles de l'enfer se referment et les شياطين sont enchaînés. ومنها أن الله تعالى جعل للصائمين بابا لا يدخله غيرهم. Et parmi les vertus, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu une porte pour ceux qui jeûnent, qui leur est spécifique. ومنها أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره. ومنها أن الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. Le jeûne est un bouclier pour le jeûneur contre les flammes de l'enfer. والعياذ بالله. Le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée lors de la rupture de son jeûne. ثلاثة لا ترد دعوتهم إمام عادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم. Trois catégories de gens, leurs invocations ne sont pas rejetées. Un imam juste, le jeûneur lors de la rupture de son jeûne et l'invocation de l'opprimé. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ابن أبي مليكة rapporte dit: j'ai entendu Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما dire lors de la rupture du jeûne: oh Allah, je te demande avec ta miséricorde qui englobe tout que tu me pardonnes. ومنها أن الله تعالى اختص عبادة الصيام لنفسه دون غيرها، فقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزئ به. حديث متفق عليه. الله سبحانه وتعالى dit: tout acte de fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne. Sauf le jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. Allah سبحانه وتعالى a dit: il s'abstient de ses jouissances, de sa nourriture, de sa boisson pour ma cause. Et les gens, dans ce mois béni, se divisent en plusieurs catégories. ينقسم الناس في هذا الشهر إلى عدة أقسام. Il y a ceux qui attendent ce mois avec impatience. Ils se réjouissent de ce mois béni. Ils font des efforts pour faire des actes d'adoration recommandés. Et leur modèle dans cette voie est le maître des créatures. Le prophète, alayhi afdalu salat wa azka taslim, comme il l'a rapporté al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, dans son sahih. Et il y a ceux qui rentrent dans ce mois du ramadan et ressortent tels qu'ils sont rentrés. Ils n'ont récolté de ce mois aucun bienfait et aucune hasanat. Et ces personnes-là auront perdu un butin qui n'a pas de prix. وهذا ممن فوت على نفسه غنيمة لا تقدر بثمن من الأثمان. Et parmi les gens, il y a ceux qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala que dans ce mois béni. Lorsque on rentre dans le mois du Ramadan, tu vois ces gens s'incliner et se prosterner. Une fois le Ramadan passé, ils reviennent sur quoi ils étaient. فإذا صلح الشهر رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه. Et il y a ceux qui se privent de la nourriture et ils ne se soucient pas du reste. Et ces gens-là, ils n'auront obtenu de leur siyam que la faim et la soif, comme il l'a rapporté le véridique digne de confiance, As-Sadiq al-Masduq, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. Wa min al-nasi man ja'ala nahara ramadan nawma, wa laylahu lahwa, fala huwa shagala naharahu bi dhikrillah, wa la huwa nazzaha laylahu ani lahwi al-muharram. Parmi les gens, il y a ceux qui passent leur journée à dormir et leur nuit dans les passions et l'amusement. Ces gens-là, ils n'ont pas exploité leur journée dans l'invocation d'Allah Jalla wa Ala et ils ne se sont pas abstenus la nuit de commettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Nous disons à ces gens-là, ittaqullaha fi anfusikum, craignez Allah en vous-même et ne compromettez pas le bien en quelque circonstance que ce soit. Et parmi les gens, il y a ceux qui ne connaissent pas Allah Jalla fi'ula durant le Ramadan et en dehors du Ramadan, tu le vois, ils ne se préoccupent pas de la salat ni du siyam et ils délaissent ses adorations volontairement malgré sa bonne santé et ils prétendent après cela qu'il est musulman croyant. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الصِّيَامُ لُغَةً هُوَ الْإِمْسَاكُ. Le siyam, c'est l'abstention. C'est l'action de s'abstenir de faire quelque chose. Exemple, le Parlement a voté la proposition par 230 voix contre 123 et 43 abstentions. Comme les Tawarites, dans leur vote, ils disent qu'une personne s'est abstenue, c'est-à-dire elle n'a pas voté. Ici, c'est s'abstenir de manger et boire. شرعاً الإمساك هو الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها مع النية. Dans la législation, le siyam, le jeûne, c'est s'abstenir de boire et de manger depuis le lever du soleil jusqu'au coucher avec l'intention. وصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم عاقل بلغ الحلم بالكتاب والسنة والإجماع. Le jeûne du mois du Ramadan est une obligation pour les doués de raison, عاقل, qui a atteint l'âge de la puberté, بلغ الحلم, selon le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Allah Ta'ala a légiféré le jeûne durant la seconde année de la Hijra. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam ay furida alaykum. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit et c'est l'un des cinq piliers de l'islam. Qala sallallahu alayhi wa sallam buniya al-islam ala khams. L'islam est construit sur cinq et parmi les cinq, il y a le jeûne du Ramadan. Et min dabi ashara fa ashar, celui qui renie le mois du Ramadan, celui qui renie le jeûne du mois du Ramadan, est un murtad, est un apostat, selon le consensus des savants. Et les piliers du jeûne du Ramadan, awwalan an-niyya. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. L'intention. Et l'emplacement de l'intention est dans le cœur et le fait de prononcer l'intention avec la langue n'est pas légiféré. Et il faut avoir cette intention la nuit avant le lever du soleil si le jeûne est obligatoire. قال صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث رواه أحمد بن حبان وصححه ابن خزيمة. أي يعزم. Celui qui ne rassemble pas son jeûne avant le lever du soleil, il n'a pas de jeûne. Celui qui ne s'est pas résolu à jeûner avant le lever du soleil, il n'a pas de jeûne. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الصَّوْمُ صِيَامٌ تَطَوُّعٌ فَتُجْزِئُ النِّيَّةَ وَلَوْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. Quant au jeûne surérogatoire, l'intention n'est pas prise en compte et le hadith est dans Sahih Muslim. Même si c'est juste avant le coucher du soleil, s'il n'a pas bu ou mangé quelque chose et qu'il met l'intention de jeûner ce jour, son jeûne est valide, bi-idhnillah. S'abstenir de manger et de boire du lever du soleil au coucher. Puis on a le temps, al-zaman, c'est jeûner la journée du mois de Ramadan. C'est-à-dire, si la personne jeûne la nuit et mange le jour, son jeûne est invalide selon le consensus des savants. Ici, min tolo' il fajri ila ghurubi, min tolo' il fajri ila ghurubi, ila ghurubi shams. Li qawlihi subhanahu wa ta'ala, كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. والليل في اللغة يبدأ من غروب الشمس أي حتى يتبين طلوع النهار من ذهاب الليل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا. Parmi les annulations du jeûne qui oblige le jeûneur à rattraper son jour, je vais en citer quelques-uns, il y a boire et manger délibérément, intentionnellement, عمدا, et c'est le dire du Jumhur, sauf que Abu Hanifa est le plus connu chez Al-Shafi'iyya, et c'est aussi le madhhab de l'imam Malik, c'est qu'il faut rattraper le jour et faire la kaffara, l'expiation. Ensuite, on a vomir intentionnellement. Vomir intentionnellement, amdan, annule le jeûne. Haythu rawa Abu Huraira radiallahu anhu arda, marfou'an, قال النبي عليه الصلاة والسلام من ضرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. Et le hadith a été authentifié par Ibn Khuzaymah, wa Tahawi, Ibn Hibban, wa Dharqutni, wa Hakim, wa Nawawi, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhim. Celui qui a été gagné par le vomissement ne doit pas rattraper son jeûne, mais celui qui vomit volontairement doit le rattraper. Mais si c'est involontaire, le jeûne de la personne est valide et il n'a pas à le rattraper, bi-idhnillah. Puis on a les menstrues pour les femmes, les lochis. Même si c'est au dernier moment de la journée du jeûne de la femme, le jeûne est rompu. Et ceci est un ijma' des savants. An Abi Salama qal, sami'tu Aisha radiyallahu anha taqul, kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban. Aisha radiyallahu anha, elle devait rattraper 10 jours, elle disait elle ne pouvait pas les rattraper qu'au mois de Sha'ban. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان. Ici ابن حجر il dit que pour la femme il n'est pas autorisé pour elle de retarder les jours à rattraper jusqu'à le ramadan antérieur. Ensuite on a l'éjaculation du sperme pour l'homme, que ce soit en embrassant sa femme, en la serrant dans ses bras, que ce soit avec ses mains ou avec les mains de sa femme, c'est interdit et c'est quelque chose qui fait annuler le jeûne et c'est le madhhab du jumhur, sauf qu'Ibn Hazm ainsi que Al-Shawkani et parmi les contemporains al-Albani, qalu bi'adam wujub al-qada. Qalu bi'adam wujub al-qada. Ils ont dit qu'il n'y a pas le qada, le rattrapage du jour. Et la plus juste des paroles est celle du Jumhur, c'est qu'il doit le rattraper. Et je ne rentre pas dans les détails sur cette mes'ela. Puis on a celui qui a l'intention de manger. Celui qui a l'intention de manger, son jeûne est invalide même s'il ne mange pas. Même s'il ne boit pas. S'il a l'intention de manger, son jeûne est invalide. Car l'intention est un pilier dans le siyam, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, on a l'apostasie, al-murtad, siyamuhu mardudun alayh. Qala subhanahu wa ta'ala, wa la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. D'autre part, celui qui s'est réveillé junoub d'un rapport ou autre, il fait le jeûne de ce jour et il fait le ghusl, les grandes ablutions pour la prière. Comme Aïcha radiallahu anha elle a rapporté, elle a dit: Kana Rasulullah yudrikuhu al-fajr wa huwa junoub min ahlihi thumma yaghtasil wa yasoum. Hadith rawahu al-Bukhari. Le messager d'Allah était atteint par l'aube alors qu'il était junoub, en état de janaba, de sa femme, puis il faisait le ghusl et il faisait le jeûne. Ensuite, les questions de divergence qu'il y a entre les ulama sur des questions de ce temps, il y a les gouttes que les malades mettent dans leurs yeux, les traitements des yeux avec le collyre, les gouttes qu'on met dans les oreilles, le nez, les piqûres, l'ictihal pour les femmes. Certains savants ont dit que cela annulait le jeûne et que la personne doit rattraper le jour. Mais la plus juste des paroles, c'est que ces choses ne rompent pas le jeûne car elles ne font pas partie des al-muftirat qui nécessitent al-qada. Et ceci est le madhhab de Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ou Ibn al-Munzir, ou Ata, ou Hassan al-Basri, ou al-Nakhai, ou al-Awza'i, ou Abi Hanifa, ou Abi Thawr. Et ceci a été rapporté par Ibn Omar, ou Anas, ou Ibn Abi Awfa, sahabi radiallahu anhu. Car il n'y a pas de hadith authentique sur la question, comme il l'a rapporté à Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, fi Fiqh Sunna, les Sayyid Sabiq, page 407. لأنه لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأفتى بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. Il y a aussi l'eau qui arrive dans le ventre lors de la madmada ou l'istinshaq. La plus juste des paroles, c'est que ceci n'est pas un annulatif du jeûne, et c'est la parole de Hassan al-Basri ou l'imam Ahmed ou Ishaq. Sauf que il ne faut pas exagérer, comme cela a été cité dans le hadith al-Sahih, insiste sur l'aspiration de l'eau par les narines lors des ablutions, sauf si tu es en état de jeûne. Le hadith il est rapporté par At-Tirmidhi ou An-Nasa'i ou Ibn Majah. Ensuite, on a l'usage du siwak, parce que des fois on voit des gens te regarder de travers. L'usage du siwak n'a aucune incidence sur le jeûne du jeûneur. N'a aucune incidence sur le jeûne du jeûneur. Comment étaient les salafs, radiallahu anhum wa ardahum? Aïna nahnu min siyam salaf? وأصحابه إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا نطهر صيامنا. أبو نعيم rapporte dans الحلية qu'Abu Huraira رضي الله عنه أرضاه ainsi que ses compagnons, lorsqu'ils étaient en état de jeûne, ils restaient dans la mosquée et ils disaient: on purifie notre jeûne, on purifie notre jeûne. C'est-à-dire, ils préservaient leur jeûne de la médisance, la calomnie, le mensonge. شهادة الزور هنا حديث الشيخ شهادة الزور وموقف آخر في قيام الليل كان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه هو وأهله وخادمه يتعقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا هنا aussi regardez la nuit des Sahaba, comment elles étaient. Abu Huraira, radiallahu anhu arda, il divisait la nuit en trois parties. À tour de rôle, il faisait al-qiyam. Une partie où sa femme elle faisait la prière, une partie pour lui et une partie pour l'esclave, al-khadim. On a aussi le dua du prophète, alayhi sallatou salam, qu'il a fait à Sa'd ibn Mu'adh. Donc c'est une sunna. Quand tu es invité par des gens à rompre le jeûne chez eux, il y a un dua que le prophète salam, il a fait à Sa'd ibn Mu'adh lorsque il l'a invité. قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Les jeûneurs ont rompu leur jeûne chez vous et les vertueux ont mangé votre nourriture et les anges ont prié sur vous. Et la prière des anges, Salatul Malaika, hiya du'a'uhum wa istighfaruhum lak. C'est la prière des anges, c'est la demande de pardon pour toi et les invocations qu'ils font pour toi. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم. ابن رجب رحمه الله تجي la patience, l'endurance se divise en trois parties. Une patience envers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, une patience envers ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, et une patience par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné. Et il dit, et ces trois catégories, elles se sont regroupées dans le jeûne. Elles se sont regroupées dans le jeûne. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah ta'ala, il disait, « Al-jou'u ta'amun bihi yuqawwi Allahu abdan as-siddiqin. » La faim est une nourriture avec laquelle Allah fortifie le corps des véridiques. « Waqila lil-ahnaf » ابن قيس رحمه الله تعالى إنك كبير والصوم يضعفك قال إني أعده لسفر طويل. On a dit à l'Ahnaf, ابن قيس, tu es âgé et le jeûne t'affaiblit. Il a répondu, je le prépare pour un long voyage. وقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يشتاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. والحديث أخرجه البخاري. ابن عمر il dit, on passe le siwak en début de journée et en fin de journée et on n'avale pas, sa salive, la salive de siwak lorsque on le passe sur les dents, dans la bouche. Wa kana al-imam Malik rahimahullah ta'ala idha dakhala Ramadan yafirru min qira'ati al-hadith wa majalis ahli al-'ilm wa aqbala 'ala tilawati al-Qur'an min al-mushaf. Wa hada fi lata'if al-ma'arif. Pendant le mois du Ramadan, Imam Malik rahimahullah ta'ala fuyait les assises de science où il donnait le hadith. Et il se retournait, il se dirigeait vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la lecture du Coran. Wa kana Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala idha dakhala Ramadan taraka jami' al-ibadat wa aqbala ala qira'ati al-Qur'an. Sufyan Thawri, il délaissait les adorations et il consacrait son temps à lire le Coran pendant le mois du Ramadan. Et certains salafs pendant le mois du Ramadan faisaient le subh, pour vous montrer, certains salafs pendant le mois du Ramadan faisaient le subh avec les ablutions du Isha. Avec les ablutions du Isha. C'est-à-dire qu'ils ne dormaient pas. Ils ne dormaient pas. Avant de terminer, bi'idnillahi ta'ala, je rappelle quelques hadiths qui se propagent, qui sont faibles, qu'on entend sur le manabir ou qu'on entend dans des doros. Hadith l'awwal, shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu 'itqun min an-niran. Hada hadith da'if. Da'afa wa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc c'est un hadith qui a été affaibli par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Un mois dont le début est une miséricorde, son milieu un pardon, et sa fin, il sauvegarde de l'enfer. Ensuite, on a hadith man adraka Ramadan bi Mecca fasama wa qama minhu ma tayassara lahu kataba Allah lahu 100 alf shahr Ramadan fi ma siwaha. C'est un hadith daif. Le hadith il est faible, affaibli par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Celui qui jeûne le mois du Ramadan et fait son qiyam, Allah lui écrit avec 100 000 mois de Ramadan. Hadith faible. Ensuite, on a « La taqoulu Ramadan, fa inna Ramadan ismu min asma'illahi, walakin qoulu shahru Ramadan. » Hadith faible. Ne dites pas Ramadan, car Ramadan est un nom d'Allah, mais dites le mois du Ramadan. Hadith faible. Hadith makdoub, mensonger. Hadith « As-sa'imu fi ibada wa in kana na'iman ala firashi. » Le jeune est en état d'adoration même s'il dort sur son lit. Hadith da'if. وسيح اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. هذا حديث منكر car il a été exclusivement rapporté par زائد بن أبي الرقاد تفرد به. البخاري والنسائي ainsi que ابن حجر ont dit qu'il était منكر désapprouvé فوجوتي، حديث لا تقوم به حجة، حديث لو يعلم العباد ما في رمضان من خير لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها. Si les serviteurs savaient ce qu'il y a, combien fait dans le mois du Ramadan, ils souhaiteraient que toute l'année soit ainsi. Hadith da'if. Hadith da'if. Nawmu sa'im ibada, wa samtuhu tasbih, wa amaluhu muda'af, wa du'a'uhu mustajab, wa dhanbuhu maghfur. Hadith da'if. Il est faible. Le sommeil du jeûneur est une adoration, son silence est un tasbih, ses actes d'adoration sont multipliés, ses invocations sont exaucées, son péché est pardonné. Hadith da'if. Il y a aussi hadith rapporté par Tabarani, wa huwa hadith da'if, somu tasihu. Jeûnez, vous serez en bonne santé. Da'afahu min al-mu'asirin, Cheikh Albani rahimahullah ta'ala fi sitra da'ifa. Donc hada ma indi fi hadhihi al-mas'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna صلاتنا وصيامنا وأن نستعد لهذا الشهر المبارك إنه ولي ذلك والقادر عليه وأحث إخواني أن يستعدوا لهذا الشهر بإذن الله سبحانه وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.